Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler des rapides de Delbo Mississippi avec l'instructeur-chef des rapides, Richard Fortin. Salut Richard. Bonjour Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Richard, on va faire le bilan des rapides, pas juste en Coupe Dodge, mais également de la saison, puisqu'on veut plus que jeter. On va commencer d'abord avec en fin de semaine de la Coupe Dodge. Vous avez été éliminé en quart de finale. Je regarde ça, vous avez quand même bien performé en tir de barrage. Ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre, là. Définitivement que le match rendu là, tu sais, c'est comme prendre un 25 sous puis tirer en l'air. Hein, ça peut. T'as une chance sur deux de gagner. Mais tu sais, avant de se rendre en tir de barrage, ce qui est décevant, c'est l'arbitrage. Puis tout au long de l'année, je me suis jamais caché derrière l'arbitrage en disant qu'on a perdu les matchs. Dû à des mauvaises interprétations de l'arbitre, là. Mais tu sais, là je suis obligé de le souligner, là. C'était scandaleux de la façon qu'on a été arbitré à la Coupe Dodge, entre autres le premier match qu'on a joué contre l'équipe locale, puis on les a repris en quart de finale, puis au premier match c'est les arbitres locaux qui arbitraient. Écoute, t'étais à la Coupe Dodge, c'est censé être la consécration de l'année pour ces garçons-là, ces petits gars-là. Puis c'est supposé d'être la Coupe Stanley, si tu veux. Puis tu te présentes là, puis l'arbitrage fait défaut. L'arbitrage est pas sa coche. Il y a une grosse problématique. Entre autres, l'arbitrage à partir des matchs quart de finaux, ça devrait être une structure à quatre arbitres. C'est des structures à trois arbitres, donc juste un arbitre en chef. C'est inconcevable. Puis tu vois, dans notre match de quart de finale, l'arbitre, je l'ai fait venir entre la deuxième et la troisième période pour lui demander son interprétation du contact physique, parce que dans le Bantam 2B, c'est du contact physique, c'est pas de la mise en échec. Et tout le long du match, c'était de la mise en échec. Donc l'arbitre, j'ai l'impression que lui, l'interprétation de la mise en échec du contact physique qui en faisait, c'était lui qui croyait que la mise en échec était permise. Et j'ai parlé avec lui avant de commencer la troisième période, parce que mes gars se faisaient frapper des contacts en plein centre de la gaze, des face à face. C'est pas normal, là. Tu sais, dans le bantam 2B, c'est des choses qui ne sont pas acceptées. Et puis, tu vois, lui m'a répondu que le contact physique, la façon qu'il l'interprétait, c'est que les joueurs, dès qu'ils touchent au bâton du joueur adverse, puis qu'il y a un contact, c'est permis. Et je suis désolé, là, ce gars-là, dans sa tête, là, il pensait qu'il arbitrait du midget 2B, mais c'était du bantam 2B. Puis, tu sais, le contact physique, là, juste pour faire finir closer là-dessus, là, c'est que tu dois faire un palette à palette. Donc, le joueur doit patiner dans le même sens que le joueur. Il doit apposer sa palette contre la palette de l'autre joueur qui a la rondelle pour lui faire perdre la rondelle. Et après, tu as le droit de finir de frapper le joueur dans la bande, OK? Donc, tu sais, ce qui est d'autant plus outrageux, c'est que Hockey Québec, il y avait des gens qui étaient mandatés pour vérifier les blessures, tu sais, puis voir les petits gars, puis c'était vraiment bien fait à ce niveau-là. Puis ils prenaient des notes sur les incidents qui s'étaient produits. Puis, tu sais, les arbitres sont là pour protéger les joueurs, puis, tu sais, les arbitres ont même pas fait la job. Donc, tu sais, c'est vraiment triste. Puis tu sais, je vais terminer là-dessus en disant qu'en plus, le but qu'ils ont compté, parce qu'on menait 1-0 à 50 secondes de la fin, ils ont enlevé leur gardien pour un sixième attaquant, un tir de la pointe qui a dévié, puis le tir a terminé sur le dessus du but. Puis ça, tu vois, moi, de ce que je connais des règlements d'Hockey Québec, ben, quand la rondelle tombe sur le dessus du but, ça devient un peu moins mort, tu dois siffler automatiquement. Puis j'ai validé hier avec un superviseur d'Hockey Sadlac, là, au niveau des arbitres du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ils m'ont confirmé qu'effectivement, que normalement, lui, quand ça arrive, il siffle tout de suite pour pas avoir de controverse. Mais tu vois, là-bas, j'ai pu venir l'arbitre. Et il m'a confirmé que j'étais dans l'erreur, qu'il n'y avait pas de règlement là-dessus, que le jeu roulait, puis que le joueur avait le droit de prendre son bâton par en dessous, de lever la rondelle, puis de la reprendre, puis de la mettre dans le but, ce qui est complètement ridicule. Donc, tu sais, on a un sentiment de s'avoir fait flouer. Est-ce que vous avez porté plainte? Je te dirais que ça donne absolument rien, Danny. Okay. Québec, c'est un gros bout du bâton. Puis, tu sais... Tu sais, quand on vient des régions, on n'est pas pris au sérieux. Hein, parce que, tu sais, quand j'ai parlé à l'arbitre, là, ce qu'il m'a répondu, là, je sais pas, je l'ai dit tantôt, là, il m'a répondu que nos arbitres, ici, au Saint-Jacques-Saint-Jean, avaient une mauvaise interprétation du contact physique. Et puis, je m'excuse, là, tu sais, on a joué des gros tournois provinciaux. On a joué, les arbitres ici, là, on a des bons arbitres au Saint-Jacques Saint-Jean aussi, là, puis je m'excuse là, de dire que... Non, mais si les squads étaient tous uniformisés, je comprends pas ça. Il y a des rencontres avant le début de la saison pour tout uniformiser. Normalement. Pire que ça, Danny, pire que ça, parce que tu vois, regarde, la Coupe d'Oche, là, j'ai lu un reportage là, qui disait qu'il y a des superviseurs d'arbitres à tous les matchs, puis ils sont rencontrés avant le début. Ils prennent comme la crème des arbitres. Là. Mais je m'excuse, là, mais quand tu n'es pas capable de faire la notion du Bantam 2B puis du Midget 2B, là, puis tu démêles pas ton contact physique puis ta mise en échec, là, c'est un sérieux problème. Puis tu vois, dans les deux matchs qu'on a joué contre l'équipe du Richelieu, l'équipe au test là, du tournoi, ben tu sais, on a joué contre des joueurs qui jouaient de la mise en échec. Donc tu sais, moi je peux pas dire à mes petits gars, hey les gars, c'est open aujourd'hui, on fait de la mise en échec. De un, tu sais, ils l'ont pas appris, donc je peux pas les déconcentrer. Ils ont un plan de match. Mes petits gars sont à la guerre. Écoute, ils ont tout donné, puis tu sais, encore le final, c'est ça qui est encore plus décevant. Ils ont joué un match parfait, Danny. Si on menait 1-0 à 50 secondes de la fin, écoute, puis tu sais, sur un but controversé, ils égalisent. J'ai vraiment un goût amer de la Coupe d'Oche. T'sais, moi, je pensais là, que j'arriverais là, puis c'était très structuré, très sur la coche. Ouais. Au niveau catégorie Bantam 2B, je ne parle pas pour les autres catégories, peut-être que sur les autres catégories, ça a été très bien. Mais nous, là, on a vécu beaucoup d'injustices, puis des mauvaises interprétations de la part des arbitres. Là, donc, tu parles d'un match, mais avant ça, c'est sûr que je regarde le pointage 6-0. 6-0 avant, je regarde les autres matchs aussi, est-ce que c'était bien arbitré pareil? Parce que, tu sais, oui, tu as gagné 6-0, mais il pourrait avoir des punitions pas appelées ou des affaires de même. Est-ce que les autres matchs, c'était-tu pas pire? Les deux matchs qu'on a gagné, effectivement, que l'arbitrage s'est bien déroulé. L'avocat du diable, Richard. Il y a du monde qui dit, ouais, mais le gars, il est fâché. Et puis, ils ne l'ont à dire. Je me fais l'avocat du diable, là. Ah, c'est sûr, tu sais, mais regarde, tu sais, tantôt, je l'ai dit, tu sais, d'entrée de jeu, je me suis jamais servi en blâmant les arbitres sur une défaite que j'ai eue durant l'année. Tu sais, je l'ai dit toute l'année à mes joueurs que tu sais, les arbitres, on peut pas les battre, puis les arbitres arbitrent pour les deux clubs. Sauf que, tu sais, dans mon cas, si mes joueurs auraient fait des mises en échec, l'autre bord, ils font des mises en échec, l'arbitre ne punit rien, ben c'est parfait, ils arbitrent pour les deux clubs de la même façon. Sauf que moi, je ne faisais pas de mise en échec. Donc, tu sais, je me battais contre quelque chose que mes joueurs sont pas habitués, tu comprends? Donc, c'est pour ça que je blâme l'arbitrage, définitivement, puis je suis même pas gêné de le dire, tu sais, puis c'est pas ma tasse de thé de me cacher derrière l'arbitrage, mais cette fois-ci, là, c'est tous les parents qui ont vu ce match-là, puis je suis pas mal sûr que les parents de l'autre côté, ils étaient gênés, c'est pour avoir parlé au coach à la fin du match, puis dire, regarde, c'est décevant que l'arbitre a eu un pouvoir décisionnel sur la victoire, puis il m'a confirmé qu'il aurait été des chocs, l'arbitre de l'autre côté, les coachs de l'autre côté, l'arbitre en chef. Okay. Puis encore là, comme je dis, les matchs quart de finale, à Coupe d'Orange, ça devrait être une structure à quatre arbitres, pas à trois arbitres, un arbitre en chef, deux arbitres en ligne. Mais ça, c'est sûr, je partais pour dire de quoi, mais il manque d'arbitres des régions, mais à Coupe d'Orange, t'es pas supposé de manquer d'arbitre, là. Non, à la Coupe d'Oge, tous les arbitres veulent aller là. C'est comme eux aussi, c'est comme leur Coupe Stanley, si tu veux. Là. Donc, c'est comme on finit la saison, puis on monte de grade. On a été vus par les superviseurs de Hockey Québec comme étant des excellents officiels. Donc, tu sais, eux aussi, là, c'est la crème qui est censée être là. Okay. Mais au match, dans nos deux matchs contre le Richelieu, ça ne fut pas le cas. Les officiels ont arbitré avec en pensant que c'était un match Bantam Midget 2B, donc contact permis. C'était pas le cas. Donc, t'es amer, t'es déçu, c'est très amer, très déçu, sauf que, tu sais, on va closer sur le sujet de la Coupe d'Oche sur quelque chose de positif. Regarde, mes petits gars, là, tu sais, je leur ai dit après la défaite, j'ai dit, gars, les gars, tu sais, en partant, c'était du bonbon, la Coupe d'Oche, parce que, tu sais, on avait atteint nos objectifs, puis, tu sais, la Coupe d'Oche, ben, tu sais, c'est comme un petit cadeau, puis, tu sais, quand on a commencé le tournoi, j'ai rencontré mes gars, mes joueurs, puis je leur ai dit, ben, regarde, tant qu'à être ici, on fera pas simplement les touristes, on va compétitionner, puis on va se donner comme défi d'atteindre le carré d'or. Et puis, tu sais, je leur ai dit après la défaite, j'ai dit, les gars, vous l'avez atteint, les corridors. J'ai dit, une mauvaise interprétation, un but controversé, une mauvaise interprétation du règlement de la mise du contact physique a fait en sorte que ça nous a échappé. Mais j'ai dit, les gars, vous avez joué un match parfait, 1-0 à 50 secondes de la fin, là. Puis j'ai dit, puis vous êtes peut-être plaqué. Tu sais, ça a été un match physique toute la partie. J'ai dit, les gars, je vous lève mon chapeau. Tu sais, j'avais des guerriers. Puis, tu sais, c'est ça que je trouve triste parce que, tu sais, mes gars, en intérieur de carré d'or, ils auraient eu une médaille de bronze. Ouais. Tu puis on aurait fini troisième au Québec. Puis tu sais, c'était notre camp. Puis tu sais, ce qui est décevant aussi, c'est que tu vois, on aurait joué contre en gagnant notre match de quart de finale, on jouait contre la meilleure équipe au Québec qu'on avait battue deux mois auparavant au tournoi de Saint-Anselme. Donc tu sais, moi, de finir champion de la Coupe d'Or, c'était quelque chose d'atteignable, c'était pas quelque chose d'irréel. Tu sais, mes joueurs avaient travaillé toute l'année, puis c'était notre objectif, on voulait aller jusqu'au bout. Mais tu sais, quand il faut que tu te battes contre les arbitres en plus, ben là, je pense que ça devient illégal. OK. On va y aller maintenant avec le bilan de la saison. Somme doute, écoute, un gars qui va à la Coupe Dodge ne peut pas être déçu de la saison. Non, définitivement que tu sais, regarde, je regardais le nombre de matchs qu'on a joué. On a joué 50 matchs avec la Coupe Dodge inclus. On a fini avec un bilan de 34 victoires, 14 défaites, 2 matchs nuls. Moi, je vais te dire que ça dépasse un petit peu. Les objectifs que je m'étais fixé. Quoique, tu sais, quand j'ai fait ma première rencontre de parents au mois de septembre, je leur avais dit que je visais la Coupe Dodge. Donc, tu sais, je visais haut, on a atteint des grands objectifs. Puis, gars, je suis fier de ce qu'on a réalisé. Mes gars, ils étaient investis, ils étaient engagés, ils ont compétitionné à chaque match. J'avais une équipe de compétiteurs. Et ce qui fait en sorte que je leur ai dit que c'était mes champions. Là. Tu sais, regarde, on mérite le titre de champion. OK. Dis-moi, si on y allait maintenant avec ton meilleur ton meilleur moment de l'année, c'est quoi? C'est certainement des tournois que tu as gagnés? Bien, regarde, tu sais, j'ai deux points chauds dans l'année, évidemment, en battant l'équipe qui occupait la première position au classement POC au tournoi de Saint-Anselme, les fiers de Trois-Rivières. C'est sûr que ça a été un moment incroyable là, de battre l'équipe de première position. Puis, tu sais, auparavant, on avait battu des équipes qui étaient un petit peu plus haut que nous dans le classement POC également. Donc, tu sais, le tournoi de Saint-Anselme, ça a été comme un tournoi qui nous a permis de faire en sorte qu'on s'est dit, regarde, on est capable de rivaliser contre n'importe qui, puis on est capable d'aller jusqu'au bout. Donc, tu sais, ça a été un moment fort. Puis c'est ça que gagner le championnat des séries, ben ça a été un autre moment fort. Tu sais, ça a été les deux gros moments de la saison. Si OK. L'an prochain, ça va ressembler à quoi? Écoute, l'an prochain, le Bantam 2B va se trouver décimé beaucoup. Là, ouais, parce que Pee-Wee, c'est pas fort. Ça n'a pas été une grosse année, Pee-Wee, hein? Non, je pense qu'on a eu seulement que 3 victoires cette année. Là. Ça a été difficile. Puis tu vois, cette année, mais les vétérans vont quitter. Les vétérans les vont Castors. Quitter. Ou le Bantam 2A. Ou le Bantam. Ça peut être le Bantam régional aussi, là. Non, j'ai des joueurs, mais la plupart de mes vétérans, il en restera pas beaucoup, là. Il y a des joueurs qui s'en vont avec les Lynx dans l'année scolaire. Okay. Et puis, il y en a qui vont aller avec les Aigles aussi du côté de Robertval, du côté scolaire également. Donc, au niveau Bantam 2B, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, honnêtement, Danny, c'est une maudite bonne question. Faudrait que tu poses la question à David Lamontagne, le président du hockey mineur, à savoir, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais je suis persuadé qu'ils vont faire un Bantam 2B. Ben, Dolboom Fesquet, c'est des gens, puis c'est des battants, c'est des winners. Puis regarde, ils vont aller jusqu'au bout, eux autres aussi. Donc, tant qu'ils vont avoir des joueurs, ils vont performer, puis ils vont essayer de former des compétiteurs, puis des joueurs qui vont porter le flambeau, le logo des rapides au effort, puis de partout dans la province. Bah, c'est toujours cyclique, hein? C'est toujours cyclique, hein? Mais là, c'est même plus une question de cyclique. Là. C'est une question que, tu sais, le hockey scolaire commence à déranger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, tu sais, je te l'avais déjà dit dans une entrevue antérieure que c'est sur ça que, tu sais, d'ici 3-5 ans, le hockey civil va occuper seulement que les catégories novices, piatons. Puis oui, Bantam, Midget, Junior, t'auras plus ça, là, tu sais, on se le cachera pas. Junior, peut-être qu'il va en avoir encore, là. Puis c'est correct, parce que, tu sais, les bénévoles, tu sais, l'avenir passe par le scolaire, malheureusement. Ben, pas malheureusement, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Je pense que c'est ça, hein? Ben, tu vois, regarde, là, Hockey Québec, dans le Bantam, ils vont faire, dans le Bantam 2B, l'an prochain, au Saguenay, ils vont faire un projet pilote. Il va y avoir une école qui va... Il y a un club qui sera pas considéré comme du scolaire, mais qui va jouer... Qui va faire carrément du sport-études avec la gang du 3, si tu veux, dans le scolaire. Puis qui vont jouer dans la division Bantam 2B, par contre. Okay. Donc, ils vont avoir comme un D1 puis un D2. Le D2 va jouer dans la division 2, si on veut. Là. Ouais. La division 2 va jouer dans le Bantam 2B, mais il va suivre carrément la structure du hockey scolaire. Donc, tu sais, on s'en va vers ça. Tu comprends-tu? Ouais. Donc, tu vas avoir probablement encore du double lettre, mais qui va être qui va être géré par le hockey scolaire. OK. Ben, merci beaucoup. Bravo. Puis au plaisir, quand, bravo pour ta saison. Merci de ta collaboration, c'était bien le fun. On n'a pas couvert beaucoup les rapides. Félicitations pour ton travail. Garde, je me rends compte que tu es écouté puis que les gens apprécient ce que tu fais dans ton coin de pays. Puis garde, je t'encourage à le faire. Garde, je pense que de parler de faits de sport entre autres, puis de réalisation des jeunes du coin, là, je trouve que c'est important. Puis bravo, garde, tu le fais haut et fort, puis continue. OK. Ben merci beaucoup, Richard. Au plaisir de se reparler. Super, Denis. Bonne fin de journée. L'instructeur chef des Rapides de Boom-Sessny, Richard.